Genèse chapitre 27. Et il arriva, que quand Isaac fut devenu vieux, et que ses yeux furent si ternis qu'il ne pouvait plus voir, il appela Ésaü Tréma, son fils aimé, et lui dit, « Mon fils. » Lequel lui répondit, « Me voici. » Et il lui dit, « Voici, maintenant je suis devenu vieux, et je ne sais point le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, et t'en va au champ, et prends-moi de la venaison, et m'apprête des viandes d'appétit comme je les aime, et apporte-les-moi, afin que je mange, et que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü Tréma, son fils. De accent aigu Ésaü Tréma, donc s'en alla au champ pour prendre de la venaison, et la porter. Et Rebecca parla à Jacob, son fils, et lui dit, « Voici, j'ai ouï parler ton père à Ésaü Tréma, ton frère, disant, apporte-moi de la venaison, et m'apprête des viandes d'appétit, afin que j'en mange, et je te bénirai devant l'Éternel, avant que de mourir. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma parole, et fais ce que je te vais commander. Va maintenant à la bergerie, et prends-moi la deux bons chevreaux d'entre les chèvres, et j'en apprêterai des viandes d'appétit pour ton père, comme il les aime, et tu les porteras à ton père, afin qu'il les mange, et qu'il te bénisse avant sa mort. » Et Jacob répondit à Rebecca, sa mère, « Voici, de accent aigu Ésaü Tréma, mon frère, est un homme velu, et je suis un homme sans poil. Peut-être que mon père me tâtera, et il me regardera comme un homme qu'il a voulu tromper, et j'attirerai sur moi sa malédiction, et non pas sa bénédiction. » Et sa mère lui dit, « Mon fils, que la malédiction que tu crains, soit sur moi, obéis seulement à ma parole, et me va prendre ce que je t'ai dit. » Il s'en alla donc, et le prit, et il l'apporta à sa mère, et sa mère en apprêta des viandes d'appétit comme son père les aimait. Puis Rebecca prit les plus précieux habits de accent aigu Ésaü Tréma, son fils aîné, qu'elle avait dans la maison, et elle en vêtit Jacob, son plus jeune fils, et elle couvrit ses mains et son cou, qui étaient sans poils, des peaux des chevreaux. Puis elle mit entre les mains de son fils Jacob ses viandes d'appétit, et le pain qu'elle avait apprêté. Il vint donc vers son père, et lui dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Et Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü Tréma, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'avais commandé, lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de ma chasse, afin que ton âme me bénisse. » Et Isaac dit à son fils, « Qu'est-ce ci que tu en es si tôt trouvé, mon fils ?» Et il dit, « L'Éternel, ton Dieu, l'a fait rencontrer devant moi. » Et Isaac dit à Jacob, « Mon fils, approche-toi, je te prie, et je te tâterai, afin que je sache si tu es toi-même mon fils Ésaü Tréma, ou non. » Jacob donc s'approcha de son père Isaac, qui le tâta, et dit, « Cette voix est la voix de Jacob, mais ses mains sont les mains de accent aigu Ésaü Tréma. » Et il le méconnut, car ses mains étaient velues, comme les mains de son frère Ésaü Tréma, et il le bénit. Il dit donc, « Es-tu toi-même mon fils Ésaü Tréma ?» Il répondit, « Je le suis. » Il lui dit aussi, « Approche-moi, donc la viande, et que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Et il l'approcha, et Isaac mangea, il lui apporta aussi du vin, et il but. Puis Isaac, son père, lui dit, « Approche-toi, je te prie, et me baise, mon fils. » Et il s'approcha, et le baisa. Et Isaac sentit l'odeur de ses habits, et le bénit, en disant, « Voici l'odeur de mon fils, comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée des cieux et de la graisse de la terre, et abondance de froment et de mou. Que les peuples te servent, et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Quiconque te maudira, soit maudit, et quiconque te bénira, soit béni. » Or il arriva qu'aussitôt qu'Isaac eut achevé de bénir Jacob, Jacob étant à peine sorti de devant son père Isaac, son frère Ésaü Tréma revint de la chasse, qui apprêta aussi des viandes d'appétit, et les apporta à son père, et lui dit, « Que mon père se lève, et qu'il mange des œufs la chasse de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Et Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu ? » Et il dit, « Je suis ton fils aîné Esaü Tréma. » Et Isaac fut saisi d'une fort grande émotion, et dit, « Qui est, et où est celui qui a pris de la chasse et m'en a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni, et aussi il sera béni. » Sitôt que l'accent aigu Esaü Tréma eut entendu les paroles de son père, il jeta un cri fort grand et amer, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, bénis-moi, mon père. » Mais il dit, « Ton frère est venu avec artifice, et a emporté ta bénédiction. » Et Esaü Tréma dit, « N'est-ce pas avec raison qu'on a appelé son nom Jacob, car il m'a déjà supplanté deux fois, il m'a enlevé mon droit d'aînesse, et voici, maintenant il a emporté ma bénédiction. » Puis il dit, « Ne m'as-tu point réservé de bénédiction ?» Et Isaac répondit à Esaü Tréma, en disant, « Voici, je l'ai établi ton seigneur, et lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai fourni de froment et de moût, et que ferai-je maintenant pour toi, mon fils ?» Et Esaü Tréma dit à son père, « N'as-tu qu'une bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, bénis-moi, mon père. » Et Esaü Tréma, élevant sa voix, pleura. Et Isaac, son père, répondit, et dit, « Voici, ton habitation sera en la graisse de la terre, et en la rosée des cieux d'en haut. Et tu vivras par ton épée, et tu seras asservi à ton frère, mais il arrivera qu'étant devenu maître, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Et Esaü Tréma eut tant et Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et il dit en son cœur, « Les jours du deuil de mon père approchent, et alors je tuerai Jacob, mon frère. » Et on rapporta à Rebecca, les discours de l'accent aigu Esaü Tréma, son fils aîné, et elle envoya appeler Jacob, son second fils, et lui dit, « Voici, l'accent aigu Esaü Tréma, ton frère, se console dans l'espérance qu'il a de te tuer. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma parole, lève-toi, et t'enfuis à Charan, vers Laban, mon frère, et demeure avec lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère soit passée, et que sa colère soit détournée de toi, et qu'il ait oublié les choses que tu lui as faites. J'enverrai ensuite pour te tirer de là. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour ? » Et Rebecca dit à Isaac, « La vie m'est devenue ennuyeuse à cause de ces Étiennes. Si Jacob prend pour femme quelqu'une de ces Étiennes, comme sont les filles de ce pays, à quoi me sert la vie ?